Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Car tu es Dieu, Yahweh, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu irrésistible. Et Dieu qui ne se trompe point, qui n'échoue point, qui fait ce qu'il fait, et qui tient le monde dans sa main. L'univers a été engendré par toi. Nous existons par toi. Nous vivons par toi. En toi nous marchons. Tu es notre ressource. À qui irions-nous? Il y a les paroles de la vie. Et nous avons trouvé que c'est auprès de toi que réside le salut. Merci Dieu. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Notre Dieu. Que serions-nous sans toi? Où serions-nous sans toi? Ningekuwa wapi leo kama si wewe. Ningekuwa wapi mimi tena na rehema tele umejaa neema na rehema tele. Plusieurs n'ont pas encore compris. Mais tu m'as donné la grâce de comprendre et de me tourner vers toi. Et dès lors, tout a changé. Tu as donné une direction. Tu m'as montré ma destinée. Et tu m'y as amené jusqu'à ce jour. Tu as été fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. À toi la gloire. Sauveur parfait. Gardien parfait. Le Dieu qui guérit parfaitement. Le Dieu qui délivre parfaitement. Celui qui pourvoit aux besoins. Tu donnes les enfants. Tu donnes les femmes. Tu donnes les maris. Tu donnes le travail. Tu donnes la vie. La vie effective. La vie véritable. La vie abondante. Et tu ne te rétractes pas. Et tu n'échoues pas. Tu vis. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Amen. Bénis ta parole ce soir. Nous sommes encore là, Seigneur. Devant ta femme. Comme Marie. Comme Maria. Assis à tes pieds. Pour apprendre à te connaître. Il y a diffusé kujua afin de te servir. Il y a kutumikie et d'être utile nawe na mafa dans notre génération. Tuenda mafa ndani ya kizazi chetu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Merci mon rédempteur. Asante mkombozi wangu. Prends tout en contrôle. Wendo kaongoze mambo yote. Que ta sainte présence remplisse ces lieux. Na uwepo wako mtakatifu jaze kalo. Rencontre nos cœurs. Wendo kakutane na mioyo yetu. Ouvre nos esprits. Wendo kafungue roho zetu. Rends-nous favorables à ta parole. Je soumets à l'obéissance à Christ tout esprit et toute chair. Au nom de Jésus, que tout te soit soumis dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans ce quartier, sur cette vallée, en ce moment, que tout te soit soumis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Shalom. Amani uwe nanyi. Shalom. Amani uwe nanyi. Je peux bien vous entendre. Shalom. Shalom. Vous savez, plus nous avançons, Dieu est en train de confectionner quelque chose dans notre vie. Unajua zidi tunaendelea Mungu iko natengeneza kitu ndani ya maisha yetu. Tu seras surpris que à un moment donné de ta vie, na utashangaa kwa wakati fulani wa maisha yako. Tu vas t'étonner de la manière dont tu fonctionnes. Utaanza kushangaa jinsi uko natumika. Parce que Dieu aura fait quelque chose. Sababu Mungu atakuwa ametenda jambo. Et tu seras heureux. Na utakuwa mwenye heri. D'être devenu beaucoup plus efficace. Kuwa tena na nguvu zaidi. Pour toi-même. Kwa ajili yako mwenyewe. Mais aussi pour Dieu. Lakini kwa ajili ya Mungu pia. Alléluia. Amen. Souvent nous naviguons dans la vie. Mara tunakuwa tukitembea maishani. Et nous sommes choqués par nous-mêmes. Na tunakuwa tunasikia uchungu sababu yetu mwenyewe. Nous sommes énervés par nous-mêmes. Na mara nyingine tunakasirika sababu ya sisi mwenyewe. Quelquefois quelqu'un y a se donné coup de poing. Na mara moja unaweza kujipiga ngumi mwenyewe. Vous croyez. Na tu peux dire Dieu comment? Mais grâce soit rendue à Dieu. Lakini utukufu mrudilie Mungu. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Qui donne naissance à notre vie. Ambaye anapatia maisha yetu kuwa na mafaa. Alléluia. Amen. Me souviens dans le passé. Nakumbuka wakati uliopita. Alors que j'étais fracassé dans un temps de moellon. Wakati nilikuwa napitia wakati mbaya. Tu n'as pas dit ça. Que je me suis fracassé dans le moellon. Na nikaanguka ndani ya majiwe. Et que j'étais fracassé. Na nikavunjika. Et que je ne savais plus ce qui se passait. Na sikujua tena iliyokuwa napitikana. Jusqu'à l'hôpital. Hadi kwenye hospitali. Plusieurs années plus tôt. Miaka kidogo. Ma vie allait s'arrêter là. Maisha yangu ingepaswa ishia hapo. Mais Dieu n'a pas permis. Lakini Mungu hakuruhusu. Parce que sababu il savait. Alikuwa anajua. Que quelqu'un dans cette salle ya kwamba kuna mtu ndani ya hii chumba avait besoin de ce jour. Aliyekuwa anahitaji ya siku hii ya leo. Ce Certaines fois Dieu nous sécurise. Mara moja Mungu anakuwa kitu kinga. Pas vraiment pour nous. Hapana sababu yetu. Peut-être pas tout de suite pour demain. Hapana tu sababu ya kesho. Mais pour quelqu'un un jour. Lakini sababu ya mtu moja siku moja. Parce que tu transportes quelque chose qui lui appartient. Sababu unabeba kitu ambacho ni yake. Tu transportes une guérison de quelqu'un. Unabeba uponyaji wa mtu. Tu transportes. Unabeba. Un mariage de quelqu'un. Ndoa ya mtu. Tu ne dois pas mourir. Haupashe kufa. Parce que l'homme de ta vie t'attend. Sababu mume wa maisha yako anakusubiri. Et Dieu, na Mungu, dans sa science, ndani ya siasa yake, il sait manager toutes ces choses-là. Anajua kuongoza mambo haya yote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et il fut un jour, na ikakuwa siku moja, ou dans une photo, ambapo nilikuwa nikiona ndani ya picha, je vis une fille mince, nikaona binti mwembamba. Mais c'est ce que je cherchais. Lakini ni ule niliyokuwa natafuta. Et puis, na kisha, finalement cela arriva. Kwa mwisho ilikafika. 6 ans plus tard. Miaka 6 baadaye. Des fiançailles. Uchumba. Et on voulait se marier à Goma, ça n'a pas marché. Na tulitafuta kufunga ndoa Goma. Fallait qu'on aille se marier au village. Iliomba tuende tukafungie ndoa kwenye kijiji. Et nous sommes partis au village. Na tukaenda kijijini. Et on s'est marié. Na tukaoana. À Kirumba. Kirumba. Et puis nous avons fait la fête. Na kisha tukafanya karamu. À Kirumba. Huko Kirumba. Quels étaient les mets? Nini ilikuwa chakula? Le fufu. Ilikuwa ni ugali. On a égorgé une vache. Walichinja ngombe. Donc beaucoup de sauce. Ni kusema kulikuwa sauce supu nyingi. Beaucoup de sauce bouillie. Kulikuwa supu nyingi. Beaucoup de viande. Na nyama nyingi na janda. Na kulikuwa na ugali. Et mon père amenait un bassin de riz de wicha. Na baba yangu wakaleta baseni ambayo na jam chele. Bassin de riz. Baseni ya mchele. Et ce bassin de riz a fait la fête parce que beaucoup de gens n'avaient pas mangé le riz, ça faisait longtemps. Na hii baseni ya mchele kafanya karamu sababu watu wengi walikuwa wanafanya siku nyingi bila kula mchele. C'était ça la fête. Na hii ndio iliyokuwa karamu wali mchele. Et ma mère de Kiwanja. Na mama yangu Kiwanja. Était aussi venue à la fête. Alikuja kwenye karamu. Elle m'a gardé pendant 4 ans. Amenichunga muda wa miaka 4. 81 à 84. Mwaka 81 hadi 84. Elle a fait du potage. Akatengeneza mchuzi. C'était ça les mets sur notre table. Na hii ndio iliyokuwa chakula kwenye meza yetu. Après avoir mangé le fufu et tout ça, kisha kula ugali na ile mambo yote tukakula mchuzi sasa. Et le potage na mchuzi huyo était sur le plat. Ilikuwa kwenye sahani. Mais il n'y avait pas de cuillère. Lakini hakukukua kichiko. Et nous avons bu na tulikunywa le potage. Hiyo mchuzi. Sous le voile. Tukiwa tunavaa rusungi. On a terminé le mariage. Tukamaliza ndoa. Deux jours après, on est rentré à Goma. Na siku baadaye tukarudi Goma. C'était la nuit. Ilikuwa ni usiku. On est passé par le parc la nuit. Tukapitia kwenye. On a rencontré des lions. Mbuga la wanyama tukakutana na masimba. Et des hippopotames. Na tukakuta hata na dans le parc. Manyama kubwa kubwa ndani ya mbuga la wanyama. Route. kwenye njia. On devait éteindre le phare et attendre un peu. Tungepasha simisha taa za gari na kusubiri kidogo. De peur que le lion ne se fâche. Ili simba zisiweze kukasirika. Et quand il finissait de passer, walipomaliza kupita, on continuait la route. Tukaendelea na safari. Jusqu'ici. Mpaka hapa. Et hier, ça faisait 25 ans. Na jana ilifanya miaka 25. Que nous sommes là. Ambapo tuko hapa. Et Dieu nous a bénis avec 6 enfants. Mungu ametubariki na watoto 6. 3 garçons. Vijana 3. 3 filles. Na binti 3. Seigneur, pourquoi tu fais tout ça? Bwana, sababu gani unafanya haya yote? Il y a une destinée. Kuna hatima. Qui ne fait que commencer. Ambayo tu iko naanza. Souvent quand on parle 25 ans, mara tunapozungumzia miaka 25, les gens pensent que c'est beaucoup. Watu wanafikiria kwamba ni nyingi. Mais c'est comme hier. Lakini ni kama jana. Je crois que papa Kilote est d'accord avec moi. Naweza papa Kilote anakubaliana nami. Tu dois avoir 30 quelque chose ou 40. OK. Ça paraît hier. Inaonekana kama jana. Alléluia. Amen. Le jour où on voulait fixer la date du mariage, siku ambayo tulitafuta kuweka tarehe ya ndoa, je voulais prendre la date de naissance de ma femme. Nikatafuta kuchukua siku ya kuzaliwa kwa mke wangu. C'était le 6 mars. Ilikuwa ni tarehe 6 mwezi wa 3. Et quand on est parti au village, ça n'a pas marché. Na tulipoenda kijijini haikuendeka. Vous savez, bon, on tombe dans des programmes, on dit non, non, nous on fait pas le mariage demain, on fait ça aujourd'hui. Unajua tunanguka ndani ya mipango, tukasema sisi hatutafanya, hatutafanya, tunafika huko. On nous a classé la veille. Kisha wakatuambia tufanye ndoa siku ambayo inakuja mbele. Et donc c'est aujourd'hui. Ni kusema ni leo. Que j'ai l'honneur. Ambao nina heshima. De chanter cantique. Tu penses que ta vie a raté. Unawaza kwamba maisha yako yamepotea. Lorsque tu analyses ta vie, wakati unaanza kuangalia maisha yako, là où tu es, mahali ulipo, tu as l'impression que c'est comme si Dieu est injuste avec toi. Unafikiria kwamba kama Mungu haiko mwenye haki. Tu as l'impression que tu es perdu. Unawaza kwamba umepotea. Que pour toi, Unawaza sababu yako? Dieu n'avait pas fait de bons calculs. Mungu hakuweza kufanya hesabu nzuri. J'aimerais prier avec toi, tu peux te lever. Ningependa niombe pamoja nao, unaweza kusimama. Lève ta main. Nyosha mkono wako. Père céleste. Baba wa mbingu. Tu m'as tiré de quelque part. Umeniondoa fasi fulani. Mon frère et ma sœur aussi. Ndugu yangu na dada yangu pia. Tu l'as tiré de quelque part. Nayo ulimuondoa fasi moja. Parce qu'il est en ces lieux. Sababu iko mali hapa. Du fait que tu l'as sauvé. Sababu ulimuokoa. Il est donc déjà, elle est donc déjà candidate. Ni kusema yeye ni candidate. À un avenir de gloire. Kwa kuwa na ujao wa utukufu. Je prie au nom de Jésus. Naomba kwa jina la Yesu. Que tout ce qui était encore obstacle. Yote ambayo ilikuwa ingali ngumu. Sur son parcours. Kwenye safari yake. S'arrête aujourd'hui. Yende kasimame leo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Kristo. Les forteresses maléfiques. Ngome mbaya. Les forteresses diaboliques. Ngome za kishetani. Je les démolis au nom de Jésus. Les jougs méchants, les aïeux, les paroles méchantes qui ont été prononcées sur lui, peut-être il savait, peut-être il ne savait pas. Je le déclare annulé au nom de Jésus. Et je prie pour ta grâce, pour les erreurs qu'il a commis, qu'elle a commises et qui ont produit ces résultats. Dieu de miséricorde, pardon. Pardonne-le. Pardonne-la. Accorde-lui une nouvelle chance. Tu es le réparateur de brèches. Tu ne rejettes pas toujours. Même quand tu fais la plaie, tu la bandes. Et comme tu peux agir infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons, je prie Seigneur, tu accordes à chacun d'entre eux. Accorde à celle-là. Accorde à celui-là. Ce que son cœur désire. À partir d'aujourd'hui, je déclare que l'avenir de ce frère, l'avenir de cette sœur est clarifié. Je libère ton étoile. Je dévoile ton étoile. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta bénédiction. Les bénédictions abondantes. Les bénédictions infinies sur ta vie et que tous les plans que le diable était encore en train d'exécuter, je les déjoue au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Je dis merci à ma femme. Nasema asante kwa mke wangu. Pour tout ce qu'elle a été pour moi. Kwa yote ambayo amekuwa kwa ajili yangu. Jusqu'ici. Mpaka leo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki mama. Nous avons dit hier. Tulisema jana. Seigneur. Bwana. Je veux être responsable. Nahitaji niheshimu jukumu zangu. Tu peux m'aider encore? Unaweza kunisaidia tena? À faire attendre cela aux oreilles de Dieu. Usikilishe hii kwenye masikio ya Mungu. Dis au Seigneur. Mwambie Bwana. Seigneur. Bwana. Je veux être responsable. Nahitaji niheshimu jukumu zangu. Tu peux le lui dire? Unaweza kumwambia naye? Tu peux ajouter, Seigneur, unaweza kuongeza Bwana, je suis devenu responsable. Nimeanza kuheshimu jukumu zangu. La vie que nous menons, maisha tunayoyaishi, réussit inafanikiwa à la mesure kwa kipimo de la conscience de notre destinée, cha zamiri ya hatima yetu, et de la responsabilité na ndani ya jukumu à s'inscrire dans cette destinée, kujingiza ndani ya hatima hiyo, pour l'accomplir efficacement et effectivement, ili uitimize kwa nguvu na kikamilifu. Aussi longtemps zaidi que tu ne connais pas ta destinée, muda mwingi unabaki bila kujua hatima yako, tu navigues dans la vie vai que vai, unatembea ndani ya maisha ukigaga. Et lorsque nous évoluons vaille que vaille dans la vie, nous sommes candidats à la stagnation. Sisi ni wakandideti kubaki fasi moja. Je m'aimerais un peu dire, ningependa niseme, ignorer ta destinée, kukosa kujua hatima yako, est quelque peu une porte ouverte au diable, inaonekana kama mlango ambao unafunguliwa kwa shetani, te maintenir dans la stagnation. Il y a kushikilia ndani ya kubaki fasi moja. Je vais ajouter. Nitaongeza. L'un des objectifs maléfiques du diable, ya lengo mbaya za shetani, c'est d'empêcher aux enfants de Dieu ni kusuwisa watoto de connaître leur destinée, wajue hatima yao, pour qu'ils soient une proie facile, ili wakuwe mateka ambao watakuwa teketeke kwa kubaki fasi moja. Il est plus facile ni rahisi sana d'empêcher quelqu'un d'évoluer, kumzuiza mtu aendelee, parce que la personne ne sait pas où il va, sababu huu mtu hajui mahali aendapo. Mais il est difficile, lakini ni vigumu, d'empêcher quelqu'un, kumzuiza mtu d'évoluer, aendelee, lorsque cette personne sait là où elle va, wakati huu mtu anajua anaendea wapi. Les personnes qui savent où ils vont, watu wanaojua wanaendea wapi, sont efficaces dans leur course, wanakuwa na nguvu ndani ya safari yao, à la mesure kwa kiwango d'une perception efficace ya mtazamo wenye nguvu de la destination ya mwelekeo. Non seulement cela, apana tu hiyo, mais aussi une perception efficace, lakini mtazamo de la rémunération ya sawabu. C'est-à-dire, quand je suis en train de me diriger dans telle direction, ni kusema ninapoendea ndani ya mwelekeo fulani, voici tazama la rémunération, malipo, voici ce que je vais récolter. Tazama nitakayoivuna. J'essaie de dire hier, nilipima kusema jana, que la rémunération, ya kwamba malipo, est multiple et holistique, inakuwa kwa ngambo nyingi. Je vais vous le rappeler. Nitawakumbusha hii. Lorsque je suis en train d'exécuter ma destinée, wakati niko natimiza hatima yangu, ma rémunération, zawabu ama malipo yangu, sera ce que je vais gagner directement comme individu. Itakuwa ile ambayo nitapata hapo hapo kama vile mtu binafsi. La deuxième rémunération, na malipo ya pili, ce sera itakuwa l'accomplissement de la volonté de Dieu. Utimilifu wa mapenzi ya Mungu. Il est écrit, imeandikwa, la joie du Seigneur, furaha ya Bwana, sera votre force. Itakuwa nguvu yenu. Lorsque j'accomplis la volonté de wakati Dieu, ninatimiza mapenzi Dieu ya Mungu, est content. Mungu anafurahi. Et quand Dieu est content, na wakati Mungu anafurahi, je suis content. Nami nafurahi pia. La troisième rémunération, malipo ya tatu, ce sont les bénéfices des tierces, ni faida ya watu wengine, qu'ils tirent de mon existence, ambao wanaondoa ndani ya maisha yangu, ce que les autres profitent de moi, ile ambao wengine wanafaidia toka kwangu. Il n'y a pas de plus grande joie, hakuna furaha kubwa, que de voir quelqu'un, kama kumuona mtu, qui est devenu épanoui, ambaye amepanuka, parce que tu as posé un acte dans sa vie, sababu umefanya tendo ndani ya maisha yake. C'est plus que de l'argent qu'on te retourne. Ni kupita pesa, c'est plus que de l'or ou du diamant qu'on peut te retourner. Ni kupita zahabu ama alimasi wanayoweza kukupatia. Lorsque les hommes et les femmes gagnent de ta vie. Wakati wanaume na wanawake wanafaidia maisha yako. C'est une forte récompense. Inakuwa ni malipo makubwa. Lorsque tu te rends compte wakati que tu es utile pour les autres, ya kwamba unafalia watu wengine, c'est une forte récompense. Inakuwa ni malipo makubwa. Le verset est vrai. Kinyume ni kweli. Lorsque tu te sens inutile, wakati unagundua ya kwamba huna mafaa, c'est une source de forte tristesse. Inakuwa ni chemchemu ya kufadhaika sana. Je vais parler quelque chose, ne vous fâchez pas contre moi. Nitazungumzia kitu moja, msinikasirikie. Et je m'adresse aux frères. Na niko nazungumzia wa ndugu, wa kaka. Je m'adresse aussi aux parents. Na wazungumzia pia wazazi. Lorsqu'une fille wakati binti est en train de grandir, iko na komaa, et qu'elle atteint certain âge, na anafikia umri fulani, les sœurs, ne vous fâchez pas contre moi. Wadada msinikasirikie. Et qu'elle atteint certain âge, na anafikia umri fulani, et qu'elle commence à s'agiter, na ananza kuwa hana tena msimamo, parce que le mariage traîne, sababu ndo wamekawia, il faut la comprendre. Inaomba kumuelewa. Certains adultes ne se rendent pas compte de ça. Watu wazima wamoja mara hawagundui hii jambo. Mais je donne aux archois l'opportunité de comprendre cela. Lakini nawapatia wanamemba wa kanisa hii wakati ya kuielewa. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces cœurs-là? Nini napitikana ndani ya moyo huu? Durant mon ministère, j'ai eu le temps d'observer et d'analyser ces facteurs-là parce qu'on fait face à ça tous les jours. Ndani ya huduma yangu niliweza kuona hii mambo sababu tunaiona kila siku. C'est que lorsque cette sœur grandit, wakati huu dada nakoma, et que le mariage ne vient pas, na ndoa haikuje, ce qui la fait souffrir, inayomtesa, c'est ceci. Ni hii. Elle se rend compte, anagundua ya kwamba, qu'elle a tout ce qu'il faut, ana yote inayofaa, pour offrir à quelqu'un, ili aimtolee mtu. Mais ce quelqu'un-là ne vient pas. Lakini ule mtu akuje. Elle sent en elle-même. Anasikia ndani yake mwenyewe. Qu'elle peut donner des enfants. Anaweza kuzaa watoto. Elle sent en elle-même. Anasikia ndani mwake. Qu'elle peut bien choyer un mari. Ya kwamba anaweza kumchunga vizuri mume. Elle sent en elle-même. Anasikia ndani mwake. Qu'elle peut donner beaucoup d'amour à quelqu'un. Ya kwamba anaweza kupatia mapendo nyingi kwa mtu. Mais elle n'a pas le droit d'en donner. Lakini hana haki ya kuipana. Parce qu'elle ose donner ça à quelqu'un. Sababu akipima kuipatia mtu. C'est illégal. Hii ni nyume ya sheria. On va la frapper. Na watampiga. Alors, na sasa, en mathématiques, il y a cette flèche que vous connaissez. Kwa hesabu kunakuwa hii mkuki inayorudia. Ça s'appelle quoi? Inaitwa nini? Réflexive. Ya kujirudilia. Tout ce qu'elle veut offrir. Yote ambayo nataka kutoa. Retourne. Inamrudilia ndani mwake. Esa la torture. Na inamtesa. Je dis vrai? Nasema kweli? Les sœurs se taisent. Wadada wananyamaza. Pourquoi je dis cela? Sababu gani nasema hiyo? Parce que frère, sœur. Sababu ndugu, dada na kaka. J'aimerais mieux dire frère et papa. Ningependa niseme kaka na baba. Et maman. Na wamama. Apprenons à comprendre nos sœurs. Tujifunze kuelewa wadada wetu. Kuwachukulia. Les supporter. Je ne suis pas en train de dire apprenons à prendre leur amour. Non. Siko nasema tujifunze kuchukua upendo wao, hapana. Mais le minimum que nous pouvons faire, c'est de comprendre ce dont elle souffre. Lakini ile ambayo tunaweza kufanya ni kuelewa ile inayowatesa. Et d'avoir une attitude correcte. Na tukue na hali nzuri. Quelquefois on les méprise. Mara tunakuwa tukiwadharau. Surtout les jeunes mariés. Sana sana wale ambao wanakuwa na maisha fanya ndoa. Ama wale ambao wameshafunga ndoa. On a un regard. Tunakuwa tukiwaona na dharau. Tazama pete yangu. C'est pas bien. Sio vizuri. Si tu as eu la grâce de te marier. Kama umepata neema kufunga ndoa. Bénis Dieu. Umbariki Mungu. Si cette grâce n'est pas encore arrivée, kama hiyo neema haijafika, à ta sœur, kwa dada yako, comprends-la, umuelewe, aime-la, umpende, et soutiens-la. Na umsaidie. Pour les frères, kwa ajili ya wakaka, ça s'applique pas. Haiwezi kukamata. Parce que le frère, sababu ndugu, décide de se marier quand ils voudront. Anaamua kuoa wakati anataka. Donc si tu veux te marier, kama unataka kufunga ndoa, tu ne nous diras pas, hautatuambia, que tu veux donner ton amour à quelqu'un, ya kwamba unahitaji kupatia upendo wako kwa mtu, et que tu manques quelqu'un à qui donner ton amour. Na kwamba unakosa mtu ambao utampatia ile upendo wako. Le problème c'est toi. Shida tu ni wewe. Mais pour les sœurs, lakini kwa wadada, elles attendent, wanasubiri, que le mari de leur vie arrive. Mume wa maisha yao afike. Mais il se peut que se marie en Amérique. Lakini inawezekana mume huu yuko Marekani. Jusqu'à ce que Dieu va arranger les circonstances et le temps. Mpaka wakati Mungu atatengeneza wakati na nyakati. Pour qu'ils se rencontrent. Ili wakutane. Alors le mariage sera là. Na sasa ndoa itafika. Mais avant que ça arrive, lakini mbele haijafika. Portola. Tumbebe. Si vous êtes d'accord, dites amen. Kama mnakubaliana mseme amina. Quelquefois elles sont comme stigmatisées. Mara wanakuwa wakijiona kama vile wanashushwa. Et ça les pousse au péché. Na inawasukuma wafanye dhambi. Quand les aventuriers remarquent, wakati vijana wabaya wanaona, que ça chauffe dans le cœur de cette sœur, ya kwamba na waka ndani ya moyo wa huyu dada, ils viennent lui promettre le mariage. Wanakuja wanamuahidi ndoa. Et ils partent avec. Na wanenda pamoja naye. Et puis la crash. Kisha wanamuachilia. Et ça ajoute à son chagrin. Na inaendelea kuongeza uchungu wake. Amen. Amen. OK. Revenons dans notre sujet. Turudi ndani ya mada yetu. Prenez quelques textes. Mchukue andiko fulani. Vous avez déjà Ésaïe chapitre 52. Meshakuwa na Isaya 52. Verset 13. À 15. Mstari wa 13 hadi 15. Vous avez déjà Apocalypse 5 verset 1 à 14. Meshakuwa na Ufunuo 5 moja hadi 14. Maintenant ajoutez Josué. Sasa chapitre 1 verset 1 à 10. Moja, moja hadi kumi. Et Juge chapitre 13 verset 5 et puis verset 24. Na Waamuzi 5 na 24. Et puis chapitre 14 verset 3. Kumina verset 1 à 3. Mstari wake wa kwanza hadi 3. Et puis ajouter Hébreux 11 24. Kisha muongeze wa Ibrania 11 mstari wa 24. Nous avons parlé hier. Tumezungumza jana. Longuement sur le besoin juu ya itaji, de percevoir kutazama notre destinée, hatima yetu, de s'y impliquer na kujingiza ndani, et qu'il est efficace na inakuwa na nguvu, lorsque nous avons perçu notre destinée, wakati tumeona hatima yetu, et que nous nous trouvons quelque part na tunakuwa fasi moja, entre la conscience et la destinée et la destination, kati ya zamiri kujua il y a un voyage, na mahali tunaendea kuna safari, il y a une marche, unakuwa safari. Pourquoi parlons stagnation? Sababu gani tunazungumzia kubaki fasi moja? Stagnation c'est en rapport avec un voyage à faire, kubaki fasi moja inalingana na safari ambayo utaifanya. C'est par rapport à une destination où il faut arriver. Ni kufuatana na mwelekeo ambao shetu ufikie hapo. Pourquoi dirons-nous stagnation? Sababu gani tutasema kubaki fasi moja? Parce que celui qui devait partir d'ici. Sababu mtu ambaye angepaswa kutoka hapa mpaka huko. Après une année, deux, trois, cinq, vingt ans. Kisha mwaka moja, tano, toujours, 20. Soit ici. Wanamkuta ngali hapa sasa moja. Juste dans les parages. Ama ngali hapa tu pembeni. Auditoa tistan. Wanasema wao unabaki fasi moja. Et l'auteur de Brody, na mwandishi wa Ibrania anasema, vous qui devriez être déjà des maîtres, nyinyi ambao mungepasa kuwa walimu, vous êtes encore au lait, mungali mnakunywa maziwa. Vous qui devriez être déjà à la nourriture solide. Nyinyi ambao mungepasa kula chakula cha nguvu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des rudiments de la foi. Munahitaji tena wawape tena ile maneno ya msingi ya imani. Quel est le problème? Shida ni gani? La destination, c'est la maturité spirituelle. Mais depuis longtemps, tu es toujours en train de tourner à rond. Alors tu es décrit comme quelqu'un qui stagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors regardez ce texte. Dans Apocalypse, que nous avons lu totalement hier, nous avons vu ceci. Dieu a un problème. Il cherche un missionnaire. Et on en cherche partout. Dieu ne désigne pas. Il veut trouver des missionnaires volontaires. Vous allez observer ceci dans votre destinée. Que Dieu ne veut pas vous obliger à aller dans une direction. Dieu vous présente votre destinée. Et il attend que vous puissiez volontairement accepter cette destinée et entrer dedans. Qui enverrai-je? Parlant de Esaïe, il parle comme s'il n'y a personne. Esaïe dans une vision, Isaïe ndani ya maono. Et Dieu lui parle na Mungu anamzungumzia comme s'il parlait à quelqu'un. Kama vile iko namzungumzia mtu. Et Esaïe dit, na Isaïe anasema, me voici, mimi hapa, envoie-moi. Unitume. Me voici, mimi hapa, envoie-moi. Unitume. Jésus de même, Yesu vile vile, au ciel, dans la gloire, mpinkuni ndani ya utukufu, Dieu cherche quelqu'un pour aller sauver l'humanité. Mungu anamtafuta mtu kwa kuokoa ulimwengu. Et quand on n'en a pas trouvé, na wakati hawakumpata, le Fils dit, mwana nasema, je vais au Père, mimi nitaenda e baba, pour faire ta volonté, ili nitimize mapenzi yako. Et il descendit sur la terre. Na kashuka hapa duniani. Il naquit, comme vous le savez. Il monta à Golgotha. Il acheva sa mission. Et à la croix, il déclara, tout est accompli. On l'a mis dans la tombe. Il ressuscita. Il venait de former des gens pour 3 ans et demi. Il dit à ces gens-là, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Faites toutes les nations mes. Et puis il monta au ciel. Na kisha kapanda mbinguni. Lorsque Marie, wakati Maria, le rencontre après la résurrection, anamkutana kisha ufufuko. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, ne me touche pas, usiniguse, parce qu'il faut que j'arrive d'abord auprès du Père. Sababu inomba nifike kwanza kwa baba. Et votre Père. Na baba yenu. Auprès de mon Dieu. Mbele ya Mungu wangu. Et votre Dieu. Na Mungu wenu. Le Père de Jésus. Baba wa Yesu. C'est notre Père. Ni baba wetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le Père de Jésus a été efficace avec Jésus, kama baba wa Yesu alikuwa anatumika na nguvu pamoja na Yesu, au point que la destinée de Jésus s'est accomplie efficacement et totalement, hata hatima ya Yesu katimilika na Jésus nguvu dit, na kwa ujumla Yesu c'est anasema, c'est aussi votre Père. Yesu anasema ni baba yenu pia. Dit à ton voisin, c'est aussi ton Père. Ambia jirani yako ni baba yako pia. Ce qu'il a fait avec notre grand frère Jésus, il veut le faire avec toi et moi. Merci Père. Asante Baba. Je peux avoir l'assurance de réussir dans ma destinée parce que je porte le regard sur Jésus. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, n'est-ce pas? Portons le regard sur Jésus qui est le consommateur. Le consommateur de notre foi. Nous avons dit notre modèle. Pourquoi il est notre modèle? Il a fait un parcours dans lequel c'est notre tour. Nous pouvons nous référer à ce à quoi il s'est référé et obtenir les résultats qu'il a obtenus dans l'exécution de notre parcours, de notre destinée. Maintenant, dans les textes que je viens de vous donner, regardez, j'essaie de parler du contraste entre certaines personnes face à la destinée. Je prends le premier cas. Dieu dit à Josué au chapitre 1er verset 6. Vous pouvez voir ça. Il lui dit: fortifie-toi uwe na nguvu, et prends courage uwe hodari, car c'est toi sababu ni wewe, qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Maintenant retenez quelques mots. Sasa mushike maneno fulani. Si vous avez ça dans votre Bible, kama mnayo ndani ya Biblia yenu, retenez ceci. Mushike hii. Car c'est toi mana ni wewe, qui ambaye mettra atakaye ce tia, peuple hawa watu, en possession du pays. Kumiliki inchi. Vous avez retenu ça? Mumeshika hii. Lorsque Josué a compris sa destinée, wakati Yoshua alielewa hatima yake, voici comment Josué passe à l'action. Tazama jinsi Yoshua anatumika. Verset 12. Musari wa 12. Verset 10-11. Musari wa 10 na 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Yoshua katoa amri hii kwa wasimamizi wa watu. 2. Parcourez le camp. Mwende mkapite ndani ya kambi. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Natazama mtakayoamrisha watu. Préparez-vous des provisions. Mujitarishie akiba. Car dans 3 jours, sababu vous passerez ce Jourdain. Mtapita hiyo Yordani. Pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Ili mwende mukazibiti inchi ambao Mungu wenu amewapatia kumiliki. Dieu dit, Mungu anasema, c'est toi ni wewe qui va mettre ce peuple ambao utatia hawa watu en possession de kumiliki de sa destinée. Hatima yake. Et quels sont les actes que Josué pose? Na matendo gani ambao Yoshua anafanya? Il convoque le peuple. Anaita watu pour qu'on aille en guerre. Ili waende ndani ya vita. Pour conquérir. Ili wasibiti cette terre là. Ile inchi. Et qu'on la prenne en possession. Na waichukue waimiliki. Regardez un cas suivant. Mtazame mfano ufuatao. Juge. Waamzi. Vous tournez quelques pages le livre suivant, chapitre 13. Sura 13. Verset 5. Musari wake watano. L'ange dit à la femme. Malaika kamwambia mwanamke. La femme de Manoa. Huyu ni mwanamke wa Manoa. Il lui dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Utachukua mima na utamzaa. Les rasoirs ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui, soulignez cela, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Une parenthèse, les Philistins ont été comme une épine dans la côte des Juifs pendant des décennies et des siècles. Walikuwa kama mwiba ndani ya mbavu ya Waisraeli ndani ya miaka nyingi. Les Philistins étaient un problème permanent. Walikuwa shida ambayo ilidumu. Pour les Juifs. Mbele ya Wayahudi. Et Dieu na Mungu envoie une grossesse. Anatuma ujauzito. Hey. Dieu envoie une grossesse. Mungu anatuma ujauzito. Qui un jour ambao siku moja va délivrer Israël des Philistins. Utakomboa Israeli toka mikononi mwa Wafilistini. Jérémie 1:5. Yeremia 1 mstari wa 5. Avant que tu fiques aussi dans le sein de ta mère. Mbele hujawekwa ndani ya tumbo ya mama yako. Je t'avais connu. Nilikujua. Je t'avais consacré. Nilikuweka wakfu. Prophète des nations. Na nikakuchagua kama nabii wa mataifa. Dit à ton voisin. Ambia jirani yako. L'Éternel. Mungu wa milele. Te connaissait. Alikuwa nakujua. Avant de t'envoyer dans le sein de ta mère. Mbele akukutuma ndani ya tumbo ya mama yako. Dieu envoie une grossesse. Mungu anatuma mimba. Avec une mission. Akiwa na kazi. Je parle du contraste. Nazungumzia utofauti fulani fulani. Verset 24. Musari wa 24. La femme enfanta un fils. Na mwanamke akamzaa mwana. Et lui donne le nom de Samson. Na kampa jina Samson. L'enfant grandit. Mtoto akakomaa. Et l'Éternel le bénit. Na Bwana wa milele akambariki. L'enfant fait quoi? Mtoto akafanya nini? Grandit. Akakoma. C'est-à-dire arrive à l'âge de commencer à exécuter sa mission. Ni kusema kafikia umri ya kuanza kufanya kazi yake ama kuishi hatima yake. Et l'Esprit de l'Éternel na roho wa Bwana commença à l'agiter. Ikaanza kumtikisa. À Makanedan. Kwa Makanedani, entre Zorea et Estaol. Kati Zorea na Estaol. On n'a pas vu. Hawakuona. Josué. Joshua. Agité par l'esprit. Amba natikiswa na Roho Mtakatifu. Pourquoi? Sababu gani? Il a été bien préparé. Alitayarishwa vizuri. Entre les bonnes mains. Ndani ya mikono mizuri. De Moïse. Ya Musa. La Bible dit. Biblia nasema. Josué. Ya kwamba Joshua. Était au service de Moïse. Alikuwa anamtumikia Musa. Et ça n'a pas fait 2 jours, 3 jours. Na hakuifanya kwa siku mbili ama siku tatu. Donc il a été préparé. Ni kusema alitayarishwa. Pour comprendre les choses de Dieu. Ili aelewe mambo ya Mungu. De sorte que hata lorsque viendra son tour, wakati yake itakapofika, même quand le Saint-Esprit hata kama Roho Mtakatifu va le remplir, itamjaza. Il sera pas agité. Hata tikiswa. Il sait de quoi il s'agit. Anajua hii ni nini. Quelqu'un est avec moi? Kuna mtu iko pamoja nami. Samson commence. Samson yananza. À exécuter ou désire commencer sa mission ou exécuter sa destinée. Ananza kutimiza hatima yake ama kazi yake. Voici ce qu'il pense. Natazama ile ambayo anafikiria. Et les actes qu'il pose. Na matendo ambayo anatenda. Chapitre 14. Sura 14. Samson descendit à Timna. Samson yakashuka Timna. Il y vit une femme. Nakaona mwanamke mmoja. Parmi les filles des Philistins. Mbali kwa miongoni mwa wabinti wa Filistini. Et lorsqu'il fut remonté, na wakati alirudi, il déclara à son père et à sa mère. Akamwambia baba yake na mama yake. Il dit, nakasema, j'ai vu à Timna une femme. Niliona Timna parmi les filles des Philistins. Miongoni mwa wabinti wa Filistini. Prenez-la maintenant pour moi. Munichukulie kama mke wangu. Suivez-moi attentivement. Munifuate kwa umakini. Josué, Joshua, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, c'est toi ni wewe qui va faire entrer ce peuple à possession du pays. Ambao utaingiza hawa watu ndani ya kumiliki nchi niliyowaahidia. Il a bien compris. Na kaelewa vizuri. Samson, Samsoni, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, c'est toi ni wewe qui va délivrer Israël des Philistins. Ambao utakomboa Israeli mikononi mwa Wafilistini. Mais quelles sont les formes d'initiative et d'action? Lakini ni aina gani ya matendo? Que ces hommes en grande destinée, ambao watu hawa ambao wana hatima kubwa, vont poser, watafanya, pour commencer à exécuter l'appel de Dieu. Ili waanze kutimiza wito wa Mungu. Josué, Joshua, convoque l'armée. Anaita majeshi. Samson, Samsoni, demande une femme. Anaomba wampe mwanamke. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. L'esprit commença à l'agiter. Roho ikaanza kumtikisa. Pourquoi nous demandons à l'église? Sababu gani tunaomba kanisa? De venir aux activités de l'église. Wakuje kwenye mipango ya kanisa. D'accepter d'être encadré. Wakubali kuongozwa. Parce que lorsque Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie, sababu wakati Mungu ataanza kufanya mambo maishani mwako, ça ne va pas t'agiter. Haita kutikisa. Tu ne seras pas agité. Hautatikiswa. Lorsque tu vas commencer à sentir une certaine gloire, wakati utaanza kusikia utukufu kidogo, selon le contenu de ta destinée, kufuatana na inayokuwa ndani ya hatima yako, ça ne va pas t'agiter. Haita kutinkisa. Si ta destinée c'est d'être un homme d'affaires pour Dieu, kama hatima yako ni kuwa mfanyabiashara kwa ajili ya Mungu, et que Dieu va commencer à te faire goûter à un peu d'argent, na Mungu ataanza kukuonjesha pesa kidogo, l'argent va pas t'agiter. Pesa haita kutikisa. Parce que tu auras déjà compris à l'église. Sababu utakuwa umeelewa kanisani. C'est quoi l'argent? Pesa ni nini? Pourquoi l'argent? Sababu gani pesa? Et pourquoi nous cherchons l'argent? Na sababu gani tunatafuta pesa? Quelle est la finalité de l'argent? Mwisho ama lengo ya pesa ni nini? Mais lorsque nous rejetons, lakini wakati tunatupilia, la prise en charge de l'église, kufundishwa na kanisa, et que nous entrons dans notre destinée, na tunaingia ndani ya hatima yetu, c'est comme ça que vous avez trouvé certaines personnes. Ndio maana utakuta watu wamoja, quand il attrape juste un emploi, wakati anapata tu kazi kidogo, sio hata kampuni yake, c'est même pas son entreprise, sio hata kampuni yake. Il a un salaire de $200, anakuwa na mshahara wa dola 200 tu. Ça commence à l'agiter. Inaanza kumtikisa na tena msimamo. Hawezi kuja tena kanisani. Il sait plus aller à la moquerie. Hawezi tena enda kwenye mrago kuomba. Il sait plus prier. Hajui tena hata kuomba. Il est arrivé. Amefika. Quel est son problème? Shida yake ni nini? Il n'a pas été bien préparé. Hakutayarishwa vizuri. Pour affronter sa destinée. Ili aweze kupambana na hatima yake vizuri. Encore dire, Seigneur, je vais être responsable. Unaweza kusema tena Bwana nahitaji niheshimu jukumu zangu. Alors, sasa, lorsque Samson dit à son père, wakati Samson anamwambia baba yake, j'ai vu une femme chez les Philistins. Nilimuona mwanamke kwa wa Filistini. Prenez-la pour moi. Umnichukulie. Et il a fait ce jeu là. Na alifanya mchezo huu. Au moins deux fois. Mara mbili. C'est-à-dire avant Delila. Ni kusema mbele ya Delila. Il a pris première femme. Alichukua mwanamke wa kwanza. Et puis encore il a pris. Na kisha tena akachukua. Et puis c'est fini le tour de Dalila qui l'a achevé. Kisha kakuwa wakati wa Delila mbali mmaliza sasa vizuri. Mtazame. Lorsque Dalila lui coupe les cheveux, wakati Delila anamkata nywele, il dit, anasema, je vais encore m'assortir comme autrefois. Nitaweza kujikomboa tena kama muda uliopita. Il ne savait pas. Alikuwa hajui que Dieu l'avait quitté. Ya kwamba Mungu amemtoka. Et lorsque les cheveux commencent à pousser, na wakati sasa nywele zinaanza kuota kidogo, et que il est devenu un jouet de danse, na amegeuka sasa kitu cha kuchezesha, pour les Philistins, kwa wa Filistini, kwa kuwachekesha, Dieu a travaillé beaucoup, Mungu alitumika sana, pour créer cette destinée là. Ili aumbe hii hatima. Avant que tu ne naisses, mbele hujazaliwa, Dieu a réfléchi, Mungu alifikiri, Dieu a imaginé, Mungu alitazama. Il y avait des hommes et des femmes en Israël pendant que Samson n'était pas né. Kulikuwa wanaume na wanawake Israeli wakati Samson alikuwa hajazaliwa. Dieu pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Na Mungu angepaswa kumtumia mtu mwingine. Mais Dieu a réfléchi. Lakini Mungu alifikiri. Dieu a travaillé. Mungu akatumika. Il a initié Samson. Na akanzilisha Samson. Dans le sein de sa mère. Ndani ya tumbo ya mama yake. Pour un objectif défini. Afanye shabaha ambayo imewekwa. Laisse-moi te dire. Acha nikuambie. Dieu a réfléchi. Mungu alifikiri. Avant que tu ne viennes sur la terre. Mbele haujakuja duniani. Il a beaucoup travaillé. Alitumika sana. Il a imaginé. Aliona ce que tu dois être. Ile ambayo unapaswa kuwa. Le teint que tu vas avoir. Utapaswa kuwa na rangi gani. La taille que tu auras. Kimo utakayokuwa nayo. Le muscle que tu auras. Nguvu utakayokuwa nayo. Même le quotient intellectuel que tu devras. Hata akili utakayokuwa nayo. Et puis il a décidé de te faire tomber dans telle famille. Na kisha kaamua kutie ndani ya jamaa fulani. C'est du grand boulot. Ilikuwa kazi kubwa. Pour arriver à quoi, Seigneur? Ili ufikie nini Bwana? Dieu te dit. Mungu anakuambia. J'ai un projet. Ninakuwa na mpango. Dit à ton voisin, tu es un projet. Ambia jirani yako uko mpango wa Mungu. Alors ne le fais pas rater. Sasa usiipoteze. Dieu a beaucoup travaillé Mungu pour Samson. Ametumika sana juu ya Samsoni. Et voici. Natazama sasa. Tout le projet de Dieu. Mpango wote wa Mungu. Samson va le faire finir dans les femmes. Samsoni ataimalizia ndani ya wanawake. Tout le projet de Dieu. Mpango wote wa Mungu. Josué le fait finir dans quoi? Yosua anaimalizia ndani ya nini? Il mobilise l'armée. Anaita majeshi. Nous allons au travail. Anasema tutaenda kwa kazi. Ils sont responsables. Wanaheshimu jukumu zao. Anawaambia mjitayarishe muda wa siku tatu. C'est pas de l'aventure. Ni kusema sio mchezo. Nous allons faire entrer le peuple dans la terre. Tutaingiza watu taifa ndani ya nchi iliyoahidiwa. Josué a accompli sa mission. Na Yosua akatimiza kazi yake. Le peuple effectivement rentré dans la terre promise. Hakika taifa waliingia ndani ya nchi iliyoahidiwa. Samson par grâce. Na Samson kupitia neema. Il a tué une poignée déjà dans une salle. Alikuwa watu ndani ya chumba waliokuwa pamoja. Les autorités, les princes et tout le monde des Philistins. Watu wakubwa wasimamizi na wafalme wa peuple. Lakini akumaliza taifa zima. Si Samson avait agi selon les prévisions divines du parcours de sa destinée, Samsoni angepasa kutumika kufuatana matarisho ya Mungu ya hatima yake. Il allait recueillir beaucoup de résultats. Angepaswa kupata matokeo nyingi. La guerre avec les Philistins serait arrêtée. Na vita pamoja na Wafilisini ingekoma. Le contraste. Utofauti. Tu connais ta destinée. Unajua hatima yako. Tu veux commencer à agir. Unahitaji uanze kutenda. Quelles sont les formes de choses, d'initiatives, de réflexions que tu fais pour commencer à exécuter ta destinée? Maanzilishi unayofanya ili uanze kutimiza hatima yako. Tu réfléchis comment? Unafikiri namna gani? Qu'est-ce que tu inities? Unaanzilisha nini? Comment tu penses y arriver? Namna gani unafikiri kufikia hapo? Beaucoup de gens, watu wengi, la gloire de leur destinée, utukufu wa hatima yao, la gloire de la provision de leur destinée, utukufu wa akiba ya hatima yao, les éblouissent, inawashangaza, au point qu'ils manquent où mettre le pied. Hata wanakosa watatia mguu wapi. Lorsque ta destinée est glorieuse, wakati hatima yako ni ya utukufu, fais gaffe. Ufanye angalisho. La gloire de ta destinée, utukufu wa hatima yako, peut te dérouter. Inaweza kukondoa ndani ya njia. En fait, quand on a l'argent, wakati una pesa, quand on a la puissance, wakati una uwezo, on peut, unaweza. Je pense que ça a été la réflexion de Samson. Nafikiri hii ndio iliyokuwa mafikara ya Samsoni. Tout m'est permis. Yote naniruhusiwa. J'ai la puissance. Nina uwezo. Si je dis à cette femme allez ya. Nikimwambia mwanamke njoo hapa. Elle va venir. Atakuja. Il semble que les femmes aiment la gloire. Na inaonekana kama wanawake wanapenda utukufu, sijui kama ni kweli. Ils aiment les stars. Wanapenda watu ambao ni nyota. Elles aiment ceux qui réussissent. Wanapenda wanaofanikiwa. Il semble que même les prédicateurs, quand ils prêchent bien certaines sœurs, elles ont des difficultés. Inawezekana hata wakati waubiri wanaubiri vizuri wadada wanashida. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein? Na sijui kama ni kweli. Je vous ai dit que j'ai déjà connu ça dans cette église. Niliwaambia kwamba nimeshaiona hapa ndani ya hii kanisa. Après un séminaire comme ça, durant un séminaire. Kisha mkutano moja hivi. Et puis une bien-aimée. Na kisa kulikuwa mpendwa dada moja. SMS. Ananitumia ujumbe. Qu'est-ce que tu dis? Unasema nini? No vraiment wow, kati preche la ulala. Hapana, wakati ulikuwa unahubiri hakika. Je me suis senti, j'ai senti que je t'aime. Nikasikia kwamba nakupenda. Oh. Tu m'aimes? Unanipenda? Si moi kanisa hii. Dans cette église. C'est pas ailleurs ou. Si mbali ici. Je ne vous dirai pas ce que on a activé rapidement hein. Sitawaambia ila ambao tulifanya haraka. Eh. On blague pas avec ce genre d'aventure hein. Hawafanye mchezo na mchezo kama na hii. Samson veut commencer sa destinée. Samson anahitaji aanze hatima yake. Papa. Baba. Zoela ngamwa sio. Unichukulie huyu mwanamke. Et les parents écoutaient leurs réponses. Na sikiliza sasa majibu ya wazazi. Son père et sa mère. Baba yake na mama yake. Lui dire. Wakamwambia. N'y a-t-il point de femmes? Hakika hakuna wanawake. Parmi les filles. Miongoni mwa wabinti. De tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, elle me plaît. Prends-la pour moi, elle me plaît. Comment vous les dosez ces garçons-là? Est-ce qu'il va sauver Israël contre les Philistins? Tes critères, c'est elle me plaît, prends pour moi. Quels sont tes critères lorsque tu essaies de commencer à aller dans ta destinée? Tu entres dans un poste, il y a beaucoup d'argent, kuna pesa nyingi. Tu appelles un conseiller, unaita mshauri. Babi kakaneni na posto. Unaweza kujiokoa namna gani ndani ya hii kazi. Les tiroirs sont pleins, na pesa zinajaa. Et le conseiller dit, na mshauri anakuambia, chef, mkubwa, dans ce poste là, ndani ya kazi hii, on prend d'abord, unachukua kwanza, et puis on fait rapport. Na kisha unatoa ripoti hiyo. Rapport ndio kazi. Ripoti ndio kazi. Tu prends. Na unajichukulia. Unaweka. Et puis rien ne se fait dans ton ministère. Na kisha kuna kitakachofanyika ndani ya huduma yako. Mais il y a des jolis rapports. Lakini kuna kuwa ripoti nzuri. Or Dieu t'a placé dans ce poste là. Ichapokuwa Mungu amekuweka ndani. Pour changer une situation dans le pays. Ili abadilishe hali fulani ndani ya nchi. Pour apporter un espoir, de l'espoir dans le pays. Ili ulete tena tumaini ndani ya nchi. Et te voilà. Natazama sasa wewe. Pour exécuter ta destinée. Ili utimize hatima yako. Tu vides d'abord les tiroirs et les comptes. Unaanza kuondoa pesa yote ambayo iko ndani. Pour acheter une parcelle et construire. Ya hazina ili uende kanunue kiwanja na ujenge. Comment tu vas dans ta destinée? Namna gani unaingia ndani ya hatima yako? Dieu te donne un ministère. Mungu anakupa huduma. C'est peut-être dans l'église. Sasa moja ni kanisani. Et quand on te responsabilise. Na kisha wanapokupatia tu kazi passer devant. Unaanza kupita mbele. Ce que tu vois en premier. Unayoona ya kwanza. C'est sur toutes ces richesses là. Ni ile utajiri yote. Toutes ces belles sœurs, ces awa dada warembo wote, ces belles mamans, wa mama wazuri wote. Et tu te dis wow. Na unasema hakika. Dans cette église là. Ndani ya kanisa hiyo. Josué, Yoshua, convoqua le peuple. Akaita watu pour aller en guerre. Ili waingie ndani ya vita. Samson, Samsoni convoqua son père akamwita isha baba yake pour prendre une femme ili wamchukulie mke. Son père lui dit, na baba yake anamwambia, cette approche là hii kitu hii ne va pas nous aider à nous délivrer, haita tusaidia kutuokoa. Samson lui dit, Samson anamwambia, elle me plaît, prends la, ananifurahisha mchukulie mimi. De tous les textes que nous avons parcourus, ndani ya maandiko zote tulizosoma, depuis dimanche, tangu siku ya Mungu, vous pouvez ressentir les caractéristiques suivantes, mnaweza kugundua, pour ceux qui réussissent dans leur destinée, kwa wanaofanikiwa ndani ya hatima yao, ou ceux qui échouent dans leur destinée, ama wanaoshindwa ndani ya hatima yao. Première caractéristique, hali ya kwanza, ceux qui ont réussi dans leur destinée, ce sont des hommes et des femmes ni wanaume na wanawake, qui ont eu un cœur vif, ambao walikuwa na moyo wa un cœur vif, moyo wa kuungua, et assoiffé d'accomplir et réussir la mission qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ont un cœur vif. Wana moyo wa kuungua. comme les apôtres, kama vile alors que la persécution a commencé, wakati mateso yalianza, dans Actes chapitre 4, verset 18 à 20, ndani ya matendo ya mitume sura 4, 8 hadi 20, Pierre répond au Sanhedrin, wa Petro anajibu kwenye baraza la wazee, il est dit, anawambia, jugez vous-même. Nyinyi wenyewe mhukumu. Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Inaomba tuwaheshimu wanadamu kuliko kumtii Mungu. Verset 20. Mstari wa 20. Car nous ne pouvons pas. Sababu hatuwezi. Ne pas parler. Kunyamaza. De ce que nous avons vu. Juu ya ile tuliona. Et attendu. Na kuyasikia. Je ne peux pas. Siwezi. Ne pas agir. Kutotenda dans la destinée ndani ya hatima que j'ai entendu ambayo nilisikia et que j'ai vu na ambayo niliona mon cœur est vif pour ça moyo wangu na ukua sababu je ne suis pas prêt na mimi si tayari à permettre kuruhusu d'échouer kushindwa dans ma destinée ndani ya hatima yangu nous ne pouvons pas hatuwezi ne pas ça veut c'est une autre façon de dire haki ya Mungu ni kusema au nom de Dieu. Est-ce que tu as ce cœur vif pour ta destinée? Un cœur vif, un cœur assoiffé d'accomplir et de réussir. Samson voulait aussi accomplir la mission. Avait-il vraiment la volonté de réussir la mission? Josué Joshua avait la volonté de réussir, le cœur vif pour la mission. Mais il voulait réussir la mission. Et il fallait qu'il pose des bonnes actes, des bons actes pour y arriver. Deuxième caractéristique, avant cela, Philippiens chapitre 3, verset 12 à 15. Wafilipi 3, 12 hadi 15. Regardez ce cœur vif. Mtazame moyo huu wa kuungua. Que Paul définit. Ambao Paulo anakuwa kisema. Il dit. Anasema hivi. Philippiens chapitre 3. Wafilipi sura 3. Verset 12. Mstari wa 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté anasema, le prix. Sio kusema nimesha ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ama nimeshafikia ukamilifu. Mais je cours. Bali nakimbia. Pour tâcher de le saisir. Ili niweze kuishika. Puisque moi aussi j'ai été saisi sababu par mimi Jésus-Christ. Nilishikwa na Yesu. Frère. Dugu. Je ne pense pas l'avoir saisi. Si wazi ya kwamba mais je fais une chose. Lakini nafanya jambo. Oubliant ce qui est en arrière. Nikisahau iliyopita. Me portant vers ce qui est en avant. Na nikiendelea mbele iliyo mbele yangu. Je cours vers le but. Nakimbia kwa lengo. Pour remporter. Ili niweze le kupata. Prix de la vocation céleste et grand Jésus. Taji ya wito wa mbingu. Et puis il ajoute au verset. Na kisha anaongeza. Nous tous donc. Sisi sote basi. Qui sommes parfaits. Ambayo. Nous tous donc. Sisi sote basi. Qui avons des destinées. Ambao tuna hatima. Faisons quoi? Tu fanye nini? Eyo quoi? Tu ena nini? Eyo cette même. Tu ena wazo ile ile. As-tu une destinée? Je una hatima. Cours. Kimbia. N'est-ce pas que dans Hébreu on nous a dit ça? Hébreu 12. Sindani ya Hebrewia 12. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Dans la kazi ambayo umetufunguliwa. Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Tukimbie ndani ya kazi ambayo umetufunguliwa. Paul dit. Paulo anasema. Je cours vers le but. Nakimbia kwa lengo. Pour obtenir le prix. Ili nipate taji. De la vocation céleste. Ya wito wa Mungu. Il dit aussi dans Actes chapitre 20 verset 24. Anasema pia ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 20. Il dit je ne fais aucun cas de ma vie. Anasema siangalie maisha yangu. Kama imekuwa ya maana kwangu. Pourvu que j'accomplisse ma course. Nitimize safari yangu. Et l'appel que Dieu a signé ce matin. Na wito ambao Mungu ameweka juu ya maisha yangu. Ni kuungua ya namna gani? Sema pamoja nami moyo wa kuungua. Useme pamoja nami moyo wa kuungua. Moyo wa kuungua. C'est grâce au cœur vif. Ni kupitia moyo wa kuungua. Que les gens arrivent à évoluer. Ambapo watu wanafikia kuendelea. Quand ton cœur est plat. Wakati moyo wako iko fasi moja. Stagner. Utabaki fasi moja. Quand ton cœur est vif. Wakati moyo wako unaungua. En rapport avec la destination. Kufuatana na mahali unaelekea. Évoluer. Utaendelea. Hallelujah. Amen. Deuxième caractéristique. Hali ya pili. Une mentalité remplie et bourrée de principes. Ambayo inajaa na utele wa kanuni. qui le pousse à progresser ambazo zinaisukuma kuendelea jusqu'à l'accomplissement la mission de leur vie mpaka kwa utimilifu wa kazi ya maisha yao. Ça c'est la deuxième caractéristique. Hii ni hali ya pili. La mentalité. Mafikiri, quel est le genre de mentalité que tu as? Ni aina gani ya mafikiri ya makili unayo? Si on revient en arrière, tukirudi tu nyuma, sur Josué et Samson, kwa Yosua na Samsoni, nous allons constater ceci. Utagundua hii. Onction ou pas onction? Uwe na upako ama usiwe nayo. La mentalité que tu as, akili mafikara unayo, peut te faciliter la tâche. Inaweza kurahisisha kazi. Peut te détruire. Ama inaweza kukuharibisha. Josué avait l'onction. Yosua alikuwa na upako. Samson avait l'onction. Samson alikuwa nayo pia. Mais la mentalité a déjoué ou a facilité. Lakini namna kufikiri yao iliraisisha mmoja na ikaharibisha mwingine. Pour Josué, kwa Yosua, sa mentalité a été façonnée dans la chambre haute. Akili yake iliweza kutengenezwa ndani ya chumba cha juu. Pour Samson, na kwa Yosua, sa mentalité a été façonnée dans la cité. Akili yake iliweza kutengenezwa mjini. Nous avons lu et Samson grandit. Na tulisoma kwamba Samson akakoma. Beaucoup de gens malheureusement. Watu wengi ole. Ils grandissent physiquement. Wanakoma kimwili. Mais grandissent pas là-bas. Lakini hawakomae humu ndani. C'est vrai? Ni kweli. Les fréquentations que tu as. Watu ambao unatembea nao. Peuvent être utiles. Wanaweza kuwa na mafaa. Nefaste pour toi. Ambao wanaweza kuwa hawana mafaa juu yako. Parce que la mentalité. Sababu namna kufikiri. Est engendrée. Inaletwa. Par les genres de choses auxquelles nous sommes habituellement confrontés. Na aina ya mambo ambayo tunakutana nayo kila mara. Lorsque tu passes ta journée wakati unakuwa avec wakati des gens qui ne réfléchissent que femmes, unapitisha wakati wako na watu ambao wanafikiria tu wanawake, ta mentalité va être affectée. Namna yako ya kufikiri itaweza kuambukizwa. Ça va être infecté par ça. Itaambukizwa na hiyo. Même quand Dieu va te donner l'onction, hata wakati Mungu atakupa upako, tu auras besoin, utakuwa unahitaji que quelque chose change dans ta mentalité. Jambo moja libadilike ndani ya akili yako. Sinon, kama sivyo, malgré la présence de l'onction, tu vas te retrouver là des choses bizarres, utakuwa ndani ya mambo mabaya, entraînées par ta mentalité. Ambao unasukumwa na namna yako ya kufikiri. Je vous ai donné l'exemple de Roboam. Niliwapatia mfano wa Roboam. L'héritier de Salomon. Ambaye alikuwa ni mrithi wa Salomono. Dont la mentalité lui a fait perdre 10 tribus. Il y a ta napoteza kabila 10. Les 10 douzièmes de la nation. Sehemu 10 juu ya 12 ya taifa. La mentalité. Namna kufikiri. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12:1-2. Ndio maana Paulo anasema ndani ya Warumi 12:1. Il dit soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Anasema mubadilishwe ndani ya kuwekwa upya kwa akili yenu. Il dit aux Éphésiens. Anawaambia wa Efeso. Éphésiens 4. Ndani ya Efeso 17-24. Il dit voici ce que je dis, ce que je déclare selon le Seigneur. Anasema tazama ninayosema na kutamka. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Haumpasa kutembea tena kama wapagani. Qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ambao wanatembea kufuatana na ubatili wa akili yao. Ils ont l'intelligence obscurcie. Wanakuwa na akili ambayo ina uwezo. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Na wao ni wageni kwa de l'ignorance qui est en eux. Sababu ya kutochana kwa ndani yao. Ils ont perdu tout sentiment. Ils ont perdu tout sentiment. Na wamepoteza hisia yote. Et cetera. Na mengine. Na kisa pour nasema, vous, kwa ajili yenu. C'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Hivyo mulivyojifunza kumjua Kristo. Autrement dit, kwa maneno mengine, recevoir Jésus c'est une kumpokea chose. Kumpokea Yesu Kristo ni jambo moja. C'est vraiment le Dieu vivant qui vient dans notre cœur. Hakika ni Mungu aliye hai anakuja moyoni mwetu. Mais si notre mentalité ne change pas, lakini kama akili yetu haibadilike, nous allons stagner. Tutabaki fasi moja. On va stagner. Tutabaki fasi moja. On va être fauché. Tutaharibishwa. Troisième caractéristique. Hali ya tatu. C'est des actions concrètes, ni matendo kamilifu, vigoureuses, ya nguvu, conscientes, ya zamiri, qui sont posées par ces hommes et ces femmes ambazo zinatendwa na wana pour réaliser leur mission, ili watimize kazi yao, être un sujet de joie. Na wao we chanzo cha furaha. Nous avons vu dans Esaïe 52, 15. Tuliona ndani ya Isaya makumi tano na mbili mstari wa kumi na tano. Et que Jésus sera un sujet de joie pour les peuples. Ya kwamba Yesu Kristo atakuwa chanzo cha furaha kwa ajili ya mataifa. Les actions concrètes. Matendo kamili. Les actions vigoureuses. Matendo ya nguvu. Les actions conscientes. Matendo ya zamiri. On ne pose pas des actions. Hawafanya matendo kiolela. On prend des actions conscientes. On attend des actions réfléchies. Matendo kisha fikiri. Josué a réfléchi. Joshua alifikiri. Pour faire entrer le peuple en Canaan. Ili aingize watu Kanana. Je ne saurais pas le faire moi-même. Sitaiweza kuifanya mwenyewe. Malgré l'onction qui est sur moi. Italisi upako ninayo. Je convoque le peuple. Nitaitisha taifa. Et ils sont entrés en Canaan. Na wakaingia Kanana. Quelle nature d'action tu poses? Aina gani ya matendo uifanyayo? Bwana asifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Moïse, Musa, comprit qu'il avait une vocation. Akaelewa ya kwamba alikuwa na wito. Et il est dans de bonnes conditions chez le Pharaon. Na anakuwa naishi maisha mazuri kwa Farao. Dans Hébreux 11, 24 et suivant. Na ndani ya Waebrania 11, 24 kufuata. Il est écrit et Moïse refusa. Imeandikwa kwamba Musa kakataa. Beaucoup d'entre nous. Wengi kati yetu. On se conforte rapidement. Tunakuwa tunafurahi kwa wakati kidogo. Dans des situations. Ndani ya hali. Au point que. Hata. Nous restons dans cet apogée. Tunabaki ndani ya ile sifa. En ignorant tukisahau que ce n'était pas ici la fin ya kwamba hapa sio mwisho de notre destinée. Ya hatima yetu. Il y a encore un voyage à faire. Kuna tena safari ya kufanya. Il y a encore des âmes à gagner. Kuna tena nafsi za Il y a encore des églises à implanter. Kuna tena makanisa za Il y a encore des missions à envoyer. Kuna tena misioni za Il y a encore de l'argent à faire. Kuna tena pesa za kufanya. Des entreprises à ouvrir. Kuna tena makampuni za kufungua. Il y a encore des âmes à délivrer. Kuna tena unasa Il y a encore des nations à délivrer. Kuna tena mataifa Il y a encore des grandes choses à réaliser. Kuna mambo makubwa ambayo sheti yafanyike. Mais comme autant maudit Lakini njisi avec un petit salaire de $5,000 pamoja tu na mshahara kidogo ya dola 1,500 c'est fini basi on est arrivé umefika tu touches combien unapokea ngapi $5,000 1,500 ya dola alors quelle est la suite de ta destinée sasa endeleo ya hatima yako ni nini je pense que ma femme là ne suffit plus nawaza huyu mwanamke wangu anitoshelee tena Donc déjà le mois prochain, ni kusema mwezi ujao, j'aurai encore un 5000. Nitakuwa tena na dola 1,500. Ce sera 10,000. Itakuwa 1,010. Le mois suivant, mwezi ufuatao, tena 1,005. Mais hizi zote ndakuwa nazifanya nini? Tout cet argent, je le ferai quoi? Ça marche pas avec toi. Mambo yaendeke humo ndani. Qui t'a dit que c'est ce salaire là qui est la fin de la vie? Nani kakwambia kwamba mshahara huyo ndio mwisho wa maisha? Et qu'est-ce que tu dis de ceux qui touchent 15,000, $20,000? Na unasema sasa nini ya wale ambao wanapokea dola 1,015 ama 1,020? Et dans cette nation, il y en a qui touchent plus que ça. Na ndani ya nchi hii kuna wale ambao wanapokea zaidi ya hiyo. N'est-ce pas, non? 50,000, 100,000, 200,000. 1,015, 1,200. Qu'est-ce que tu fais Unafanya nini? Lorsque dans une étape de ta destinée, Wakati ndani hatua ya hatima yako, tu es très confortable. Unakuwa unajisikia unatosheka. C'est bon. Ni vizuri hapa. Est-ce que être confortable c'est mauvais? Je kutosheka ni vibaya hapana. Mais qu'est-ce que je veux dire? Lakini nitasema nini? L'étape confortable de ta destinée. Hatua ya kutosheka ya hatima yako. Ne signifie pas que ta mission est terminée sur la terre. Hayamaanishi ya kwamba kazi yako imeisha duniani. Ne signifie pas que ta destinée c'est fini. Hayamaanishi ya kwamba hatima yako ni mwisho. Il y a encore des pas à franchir. Unakuwa tena na hatua za kufanya. Il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin de toi. Unakuwa tena wanaume na wanawake wanaokuhitaji. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois réaliser. Una mambo mengi ambayo shetu yatimize. Samson, Samsoni, l'onction l'agite. Upako na mtikisa. Je fais quoi? Nafanya nini? Je prends une femme philistine. Nitamchukua mwanamke mfilistini. Comme ça je serai leur beau frère. Ni kusema nitakuwa mko wao. Kisha je vais entrer chez eux. Ni kusema nitaingia sasa kwao. Toi tu veux gagner un peuple par des combines? Sasa wewe unapenda upate ushinde taifa kupitia kuoa mtu wao. La prévision de Dieu c'est de gagner ce peuple. Matayarisho ya Mungu ni ku Tu vas les gagner en épousant leur sœur. Ni kushinda wa watu ukioa dada yao. Et Dieu a dit que tu seras naziréa. Na Mungu akakwambia kwamba wewe utakuwa mtolewa wakfu. Na wemba haitapita kamwe kitu. Tu seras parmi les gens consacrés. Utakuwa mmoja wapo wa watu ambao wamewekwa wakfu. Qui doivent respirer la sainteté. Ambao seti wapumue utakaso. C'est ça le choix que tu na fais. Na hii ndio uchaguzi unayofanya. Bas. C'est fini. Mambo karibik. Les choses se sont abîmées. Que ce soit l'onction, iwe upako, que ce soit les richesses, iwe utajiri, beaucoup de gens watu wengi ont été démolis et détruits wameharibiwa par une étape kupitia de leur destinée, hatua ya hatima yao, qui est confortable. Ambao inakuwa inawatoshelea. Je parle ici nasungumzia hapa aux personnes watu wale dans cette salle ambao ndani ya kanisa hili qui se retrouvent confortable wanaona kama wanatosheka au stade où ils sont na kwa kiwango ambao wamefikia qui peut être stagnant unaweza kubaki fasi moja dans un état de gloire ndani ya hali ya utukufu. Tu as capté ça? Umesikia hii? Levons-nous, on va prier. Tusimame na tutaomba.